Que notre Dieu soit loué. Bwana Mungu wetu asifiwe. Nous prenons Apocalypse 3. Nous inclinons nos têtes, je vais prier. Pena mishabichwa na nitaomba. Wa milele Mungu wetu na baba yetu. Éternel, notre Dieu et notre Père. Jina lako ni Bwana Yesu Kristo. Ton nom est le Seigneur Jésus. Na njo mwile njina tunakusanyika tena imangaribi. Et c'est dans ce nom que nous réunissons encore ce soir. Parce que tunayo kusema ni mwile njina. Nous savons que okovu. C'est dans ce nom que nous avons reçu le salut. C'est dans ce nom, toi le Dieu, créateur des cieux et de la terre, tu as accepté de venir prendre notre place, accepté la mort qui nous était destinée et notre souffrance, tu as accepté d'entrer dans la tombe à notre place. Na kuichika kwenda kumakao ya bafu papa yetu. Et pour nous, tu as accepté d'aller jusqu'au séjour de mort. Yote ulikuwa na kifukuzio moya. Et tout ça, tu avais objectif ni moya. Ni kututosha kumikono ya shetani. C'est de nous ôter entièrement entre les mains du diable. Uruke shetani ashikwe tena uwezo moya yulu yetu. Afin que le diable ne puisse pas avoir de l'autorité sur nous. Leo shia batuko na bénéficier ya ile uru. Et nous voici aujourd'hui en train de profiter de cette liberté. Utusaidie Seigneur biote bile uripata kuchukua njuu yetu tupate kujouir nabyo. Aide-nous pour que nous puissions jouir de tout ce que tu as acquis pour nous. Urilipa pour que na shibe nye tupate kwa mali yako. Tu as payé le prix pour que nous puissions être ta propriété. Na bene kuichika shia batunerileta. Et ayant déjà accepté, nous voici encore devant toi. Pour que ukwe na utawalo bila mipaka yulo wa maisha yetu. Afin que tu puisses dominer sur nous sans limite. We peke ufanye na shie kilo nataka. Fais de nous ce que tu veux. Parce que tu n'as pas que un projet mzuri yulo wa kila dada na kila ndugu. Nous savons que tu as les bons projets sur chaque frère et chaque sœur. Na ni projet yara. Et ce sont le projet de bonheur. Et tu nous veux l'avenir meilleur. Tu nous veux que nous puissions vivre éternellement. Le seul Dieu qui donne les bonnes choses, c'est toi, le Seigneur Jésus. Celui qui donne la bonne santé, c'est toi. Qui guérit le malade, c'est toi. Qui transforme les cœurs, c'est seulement toi. Celui qui bénit les gens même physiquement, c'est toi le Seigneur Jésus. Alors, nous voici entre tes mains. Parce que nous croyons que Bwana, c'est toi le prédicateur. Pasteur évangéliste, le pasteur évangéliste, c'est seulement toi. Mena kuya wepeke Seigneur. Viens toi seul. Ula na fundishaka bantu mzuri toi qui enseigne les gens correctement, c'est toi. Kuya chukua tu midomo. Viens prendre mes lèvres. Na mi unyeke pembeni. Et mets-moi de côté. Wopate kutufundisha. Toi seul puisses nous enseigner. Wenjo kona maneno inaleta kushima. Tu as la parole de vie. Maneno inaleta kaimani. Le parole qui accorde la foi. Maintenant, Seigneur, fanya que mkusanyiko ikwe ya mafa kabisa. Que notre rassemblement puisse avoir de l'importance. Dieu a présence. Accorde de ta présence. Ushacha ta dada moya. Ne laisse qu'aucune sœur. Atandu kumoya. Aucun frère. Atabenya be onetufata kwa njia internet. Même ceux qui sont suivre comme tandao. Ushacha ta muntu moya. Ne laisse qu'aucun de nous qui puisse rater. Kututembelea kwako. De ta visitation. Fanya que Seigneur, fais en sorte que bon, que chacun de nous puisse en bénéficier. Lorsque toi tu visites les gens, tu as toujours été accompagné de beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Fungula macho na masikio ya kiroho. Nos yeux et nos oreilles spirituelles. Ili mtu wote aone. Que chacun de nous puisse tirer profit. C'est pourquoi Seigneur tuko na kuomba. Comme à la Bwana te prions. Je tuna kusoku Mungu mwenye anasikia. Parce que nous savons que tu es le seul Dieu qui écoute. Anatendaka. Tu agis. Na anajibwaka. Et tu réponds. Mena kuya. Descends. Fais pour nous ce que tu as demandé. Réponds à nos prières. Et manifeste encore ta main. Souviens-toi de tous ceux qui ne sont pas au milieu de nous. Il y a des frères qui sont bloqués au travail. Les sœurs qui sont malades. Il y a des autres qui sont en voyage. Souviens-toi, Bwana, même toutes les requêtes que nous avons dites et ce qui n'a pas été dit. Tu es le Dieu. Tu n'échoues jamais. Aide-nous, Bwana. Nous avons besoin de ton aide dans plusieurs manières, qu'ils s'assoient dans nos maisons, qu'ils s'assoient dans nos mariages, assistent les enfants, même dans nos maisons, les soucis de tous parents, tels que nous sommes, c'est de voir nos enfants être sauvés. Seigneur, tu l'as fait même dans cet âge, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3. Funo Suragatatu. Verset 19. Kumenatis. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Nuna kemea, nuna pisa, balebote mina penda. Aie donc du zèle. Basi upatekua tunabidi. Et repens-toi. Na tubu. Voici, je me tiens à la porte. Na tazama mine chashima umulangu. Et je frappe. Na ni unapika odi. Si quelqu'un entend ma voix. Kama mutu anasikia sauti yangu. Et ouvre la porte. Na nafungula mulangu. J'entrerai chez lui. Taingia kwake. Je souperai avec lui. Takula naye chakula mangaribi. Avec moi. Naye pamoja na mie. Que le Seigneur bénisse la portion de Bwana angeze baraka kusomea neno. Nous poursuivons notre sujet. Comme je ne cessais de le dire, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Rien que le livre, le chapitre 3 de l'Apocalypse, du 14e au 22e verset, il y a beaucoup de sujets que nous pouvons évoquer là-dessus. Selon que le Saint-Esprit a apporté le message en ce temps de la fin. Vous allez vous dire peut-être que, mais, frère José, tu ne fais que prolonger, non. José, pas le pas. Quand l'Esprit m'envoie à lire un sermon de Frère Branham sur dans le message, je me retrouve toujours dans ces sujets. Ainsi que de loin ou de près, j'exploite plusieurs angles à la fois. Hier, je disais ceci, faisant allusion à une des déclarations de Frère Branham, il est nécessaire de répéter que l'Église, en ce temps de la fin, vit en dessous de ses privilèges. Pourquoi, frère? Juanin, en tant que prophète, son habit, selon que le Saint-Esprit le lui révélait, il comprenait que l'Église a une haute vocation. L'Église, frère, la véritable Église, Nduku, kanisa tu ya kwe, quand nous parlons de la véritable Église, kanisa kwe, il s'agit du frère ou de la sœur qui a été connecté à l'Esprit en ce temps de la fin. Ninduku, wala dada, ula ringia mapatano na roho, mui wakati ya mwisho. C'est une vocation, frère, nikusema, ni mwito mwa nduku, qui nous appelle à nous élever tellement dans les expériences avec Dieu, A-t-elle enseigné que nous n'avons rien à envier à ceux de l'ancienne alliance? Mukusema, si ya tunataka kutamania bale ba mwagano za kale. Mais quand on nous regarde de plus près, mais lakini kama nitongereza kwa karibu, nous faisons encore du marquer le pas. Tuna tembea fashi moa, tushima fashi moa, tuanyangula tumikulu. Et c'est ce qui n'est pas bien. Na ndio kitu kina kizuri. Il ne cessait jamais l'homme de Dieu de dire ceci. Mutumishi wa Mungu ashikwanze kuchoka usema hivi. Que l'église est le corps le plus malade. Asema kanisa ndio mwili yenye kuwa mgonjwa kabisa. Mais pourtant, japo le Seigneur Bwana est toujours vivant. Et au pamujima, il se révèle, et on est jifunua, il sauve, et on a okoa, il est puissant pour accomplir n'importe quelle chose qui est contenue dans ses promesses. Na, et on a uwezo ya kutimiza yote ili apatikana malako yake. Nous vous lisions, je crois que c'était avant-hier, ni nazania ni juzi, le psaume 138. Zaburi 138. On peut le relire. Miamoya makumi tatu na mnani. Psaume 138. Zaburi miamoya makumi tatu na mnani. Psaume 138. Zaburi miamoya makumi tatu na nani. Verset 1, nous poursuivons. Musa ya kwanza tutaendelea. Je te célèbre de tout mon cœur. Nakushangilia na moyo wangu wote. Vous allez suivre la raison. Mtafuata sababu yenyewe. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Naimba wasifu yako mwepi ya Mungu. En termes simples. Musema tukwa wepesi. C'est-à-dire Jehovah était ce qui faisait la joie suprême dans le cœur de David. Nusema mumoya Daudi ni Yehova ndio alikuwa furaha ya yulu kabisa. C'est pourquoi il disait je te célèbre de tout mon cœur. Yote ni unakushangilia. Je chante tes louanges. Na masifa yako nunaimba devant Dieu. Mbele yako Mungu. Amen. Amen. C'est-à-dire David passait son temps. C'est Daudi anatoka wakati yake. Au bureau. Hata mu ofisi yake. Au champ. Hata kwa mashamba. Etant occupé à quoi que ce Ata, soit, les louanges du Seigneur étaient sur sa langue. Il croit par l'urmi yaki. Il remerciait toujours Dieu. Amen. Amen. Je me prosterne dans ton saint temple. Na mwekali yako takatifu ni unainama. Ce qui vient ne manquer jamais quand il y a un rassemblement. Sema wakati kumkusanyiko Daudi ashikanze kulofwa. Et tout un roi, na mufalme mwiko mzima, il n'a pas honte du Seigneur. Ashukue na shikia haya ya Bwana. Il entre, yaranza kuingia, anainama na kunjama, anacheza, il criait, anza kulalamika, et tout le monde était étonné. Na batu bote, anza fika tamushanga. Il venait cette joie-là. Ile furaha inaanza kutokea wapi? C'est l'expérience avec Dieu. Ilikuwa ni onjo la kufanya na Mungu. Amen. Amen. Je célèbre ton nom. Niku na shangilia jina lako. C'est-à-dire David, hein? Daudi. Alikuwa mukila wakati anasema en tout temps, Bwana Jehovah asifiwe. Jehovah soit loué. Mungu wetu wa Israel asifiwe. Le Dieu d'Israël soit loué. Utamona sa wa majimu. Et parfois on pouvait le c'est trouver comme même sa première normal, femme. Bibi yake wa kwanza a été frappé de la malédiction. Bara mpikaka ta laana. Elle n'a pas eu d'enfant. Sababu ayashukuzalaki. Parce qu'elle était scandalisée. Alikuwa de voir comment David dansait comme namna kan Daudi mfalme anaanza kucheza saki ya majimu. Amongereze wewe mfalme mzima. Tu un roi. Uko unacheza devant batoto. Danse devant les enfants. Et tu n'as pas honte de ça. David a, David a répliqué en disant la royauté que je possède c'était à mon père. La fille, l'enfant, la femme, là, c'était la fille de Saül. Alors, quand tu as Saül, Dans notre généalogie, je ne savais même pas que mais je pouvais être roi. Mais regarde comment Dieu a porté son choix. Mais regarde, quand je vois comment Dieu m'a sorti du néant, voyant comment Mungu alitosha parmi les tout, et parfait. C'est pourquoi je le célèbre en tout temps. Je commande à qui l'occasion. C'est pourquoi je chante ses louanges. Je commande à n'aimer pas. C'est pourquoi je lève son nom. Je suis tellement reconnaissant parce que lui était l'intervention de Dieu dans ma vie, même dans ma famille biologique. Je n'étais pas considéré. Mon père avait de la Baba considération pour mes grands frères. Je n'avais pas de place. Mais Dieu a abandonné tous ces gens et a porté son choix sur moi. Quand je parle de David, c'est le choix de Dieu sur David. C'est de toi et moi que nous parlons. Mais regarde comment tu te comportes. Et vous allez même vous étonner. Elle fait des choses comme si chanter en swahili. C'est comme si vous la diminuez, vous la rabaissez. Jusque là, tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Njoo waaminifu wako na wema wako. Njoo kwa maana ashangilia jina lako. Le bienfait. Est-ce que Mungu ashakufanyia hata kitu kimoja? Est-ce que Dieu n'a jamais fait quelque chose de bien? Utasema frère. Et tu te diras. Moi, je n'ai rien vu encore dans ma vie. Mais le souffle que tu as aujourd'hui. Tu n'as rien payé? Ah oui, ari pakitu. Le souffle vaut plus il que pumzi, tout nos bazins riches ici. Le souffle vaut plus que nos maisons à briques rouges ici. Ata manyumba yetu ya mabriki ya rouge. Parce que regardez. Sababu angalieni. Satan a dit à Dieu. Shetani amwambia Mungu. Laisse-moi toucher Job. Unyache niguse Yobu. Peau sur peau. Que je touche son corps. Shangoji ni bambe muli yake. Prenons Job. On va revenir ici. Sur le chapitre 3, je vous montre ça. Job chapitre 2. Yobo sur la capiri. Attendez, je cherche cette écriture-là. Job 1. Yobo sura ya kwanza. Est-ce que c'est là-bas? 2-4, c'est bien. Job chapitre 2-4. Et Satan répondit à l'Éternel. Diabolo akamjibu ameleli. Peau pour peau. Ngozi kisha ngozi. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Bile biote muto konabio eni pata ni njoo abusima bwaki. We acha tu minyende. Arrête qui moi seulement toucher son corps. Abake tu mifupa. Que le reste seulement. Akuna dawa akuna matunzo. Sans médicaments, sans traitements, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Afrique du Sud, à cause de sa vie, il peut vendre même sa maison. Vous allez voir que les gens lui conseillent. On peut avoir des choses à ce moment. La santé n'a pas de prix. Achiaï, Abayouzaki. Bonne embarique. 1. Il dit, allons vendre tellement, on va couper la parcelle en deux, on vend une partie pour qu'on te soigne. Lorsque tu vas te rétablir, Dieu peut t'aider, tu vas acheter encore d'autres et vous allez amorcer. Il faut, vous appelez ça comment? Greffe. Il y a cœur. Il faut faire une greffe, il y a l'eau. C'est-à-dire qu'il faut changer, bah, l'hétéro en Guinée. Frère. Nuk. Non, oui, médecin, c'est moi. Ou ce médecin. Si on fait seulement la greffe, tu rembourses en Guinée, ça demande combien? Nyumba yako. Et ça demande ta maison. Il va dire, allez vendre ma maison, que je reste en vie. Et la maison va passer. Bon ambari. Que le Seigneur bénisse. Le souffle que nous avons, c'est déjà ça un signe de la bonté de Dieu. C'est pourquoi pendant que c'est ma frère, ne dites pas, Seigneur, j'ai tant souffert. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Je paye le loyer comment, l'élevage des enfants, comment je dois me marier. Comment est-ce que je vais construire la maison? Frère, salaire le salaire vraiment elle est insuffisant. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Abushindie chakula. Le corps mwili. Plus que les vêtements? Aishindie mavazi. Bwana mbariki. Ça c'est Dieu. Ini Mungu. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Mwe, mushangai kibasi kamwe. Ne dites pas. Mushanze kusema. Que mangerons nous? Tutakuria nini? Que boirons nous? Tutakunywa nini? De quoi serons-nous vêtus? Na tutavuana namna kani? Toutes ces choses. Ibi bintu bioti. Ce sont les païens qui les recherchent. Bale banangai kiaka kutafuta ibintu niba pagano. Votre Père céleste, Baba enu mwenye kwa mumbingu, c'est que vous en avez besoin. Anajua kusema ibintu muna ibitaji. La vie, buzima, vaut plus que tout ça. Muna shindia ibintu bioti. Psaume 138 là où nous étions. Mune turikuya muzaburi makumitatu mia moya makumitatu na mnani. Psaume 138. Zaburi miyamoya makumitatu. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Njua waminifu wako na wema wako na shangilia jina lako. Car kwani ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Mukutimiza malako yako njo kwa maana kavumu yako rienda mbali. En voyant comment tu es en train d'accomplir tes promesses, tu es connu pour ça. Oui, on a Yuikana, Dieu est champion dans l'accomplissement des promesses. Yeye anajuaka sana kutimiza bila gilaka. Amen. Amen. Le jour où j'étais invoqué, ile siku nilikuomba wala nikuita, tu m'as exaucé. Ulinijibu. Tu m'as rassuré. Ulinyakikishia. Tu as fortifié mon âme. Nafsi yangu ulitia nguvu. Tous les rois de la terre. Bafalme bote hapa dunia. Te loueront. Batakusifu. Batakupigia accent kusema. Ils te diront merci. Président. Disant que j'étais président, j'étais roi. Honnêtement parlant, je ne méritais pas. Celui qui a conduit les choses pour que je sois là, c'est Dieu. Posez la question aux politiciens. Uliza aba wafanya siasa. Nduku. Dites à Joseph. Joseph, président. Parlez tout Mouzer. Joseph, lui, dans son cœur. Est-ce que Joseph il croyait qu'un jour il sera président? Arianzaka takuwaza kwa sami takuwaka raisi wa inji. Nous connaissons, néanmoins les plus âgés connaissent l'histoire. Il n'était même pas plus proche de son père. Que Seigneur bénisse. Et Dieu a conduit les choses. Tel que ce soit le petit là de 29 ans. Qui a 29 ans encore président. S'il est sincère, dans son cœur, il reconnaîtra que c'est Dieu. Parce qu'il y avait des poids lourds. À côté de mon père. Mais Dieu a ouvert le couloir pour moi. Que Seigneur bénisse. Tous les rois reconnaîtront ça. Comment suis-je né dans cette famille de la reine d'Angleterre? Tout converge que c'est toi qui va passer plus tard. Comment suis-je né dans cette lignée? Et qu'aujourd'hui, je me retrouve à tel poste. Amen. Même les études, si vous regardez la façon dont tu étais en train d'étudier, tu verras toi-même qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu. Chacun de nous ici a un témoignage et qu'on a de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et quand tu vois ça, tu ne peux que louer sa bonté. Tu ne peux que dire c'est Dieu. Il n'y a même pas mes efforts, voire même la souplesse. C'est Dieu. On continue. Tous les rois de la terre te loueront. Oui, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Même quand je suis rempli de soucis, même de découragement, Dieu trouve une solution. Et tu te réjouis. Si tu es dans le monde, croyez que Dieu peut frayer de moi. Croyez. Tous ici, vous retrouvez les dettes, le fardeau des dettes pèse tellement. Et tu n'as même pas de sommeil. Quand tu te réveilles, tu vas prier, et dis, Seigneur, tu peux me retirer un peu dans cette situation. Que Dieu puisse me faire sortir. Et comme un rêve, sans d'autre, en jour, la situation s'est déjà décantée. Tu utilises peut-être quelqu'un, un frère ou une soeur, ou quoi que ce soit. Et tu vas te retirer de cette situation. Et toi-même, tu vas te dire, je serai en difficulté. Que le Seigneur bénisse. Tu es entamé sur la colère de mes ennemis. Ici, frère, tout ce que nous avons comme maladie, l'objectif des démons, c'est de nous tuer. Amen. Amen. Maintenant, mais Dieu, quand il vient, il pointe le la maladie. On t'a dit que ces jours, on sont déjà arrivés à la fin. Alors quitte. On a quoi, c'est cantique spécial de Dieu. Effectivement, il faut chanter pour lui. C'est lui qui menace nos ennemis. Il y a des maladies peut-être qui sont en route vers toi. Mais Dieu, du haut des cieux, quand il regarde, celui-là, c'est mon enfant. On dit, maladie, allez ailleurs. Que le Seigneur bénisse. Et les démons se tournent. Il dit, on nous a ordonné d'aller où? la même façon, il avait chassé les démons. Et les démons s'y pliaient maintenant, disant qu'on peut entrer même dans ce trousseau. Et il avait accordé que ces démons entrent dans Léo. C'est Dieu, il est enfant. Quand il dit aux démons, voyez, il posait la question à Satan. Tu viens d'où? De me promener sur la terre. As-tu vu Joe? Et tu l'as protégé. Si il a protégé Joe, il nous protège aussi. Que le Seigneur bénisse. Il est toujours Dieu jusqu'à ce soir. Il est toujours celui qui règne et qui commande toutes choses. Verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Atatenda juyangu. Frère, ateni saidia. Il va me secourir. Ateni tosha mumambo. Il va me retirer. Ateni tosha mumagumu. Il va me faire sortir des difficultés. Il agira en ma faveur. Atatenda juyangu. L'Éternel, ta bonté dure toujours. C'est-à-dire, tant que je suis encore vivant, avant de quitter cette terre, je verrai la bonté de Dieu. Et toi, tu t'es trouvé en aujourd'hui, tu dois dire à ma faveur, je verrai sa bonté. Même aujourd'hui, vous sentez que les toi, choses sont compliquées. Confesse l'écriture. Quand tu commences à professer ça, les choses, dans le surnaturel, les choses commencent à bouger. Les choses tournent. Pourquoi? Tout est au pouvoir de la parole. Amen. Amen. Soyons des gens qui proclament toujours des choses conformes à l'écriture. Bibiang, ma femme, les choses iront mieux. Ne t'inquiète pas de la souffrance que nous traversons. Dieu va te guérir. Dieu va me donner l'emploi. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ici, il n'y a rien. Oh, la maison, ça sera comme ça. Comment nous allons payer le loyer? Il n'y a pas de problème. Et soyez fermes dans votre confession. Et vous verrez que Dieu descendra pour rendre la confession réelle. Amen. Amen. Hébreux 4. Wa Ebrania ine. Hébreux. Wa Ebrania. Hébreux chapitre 4. Ou Hébrania, soit Kaine. Verset 14. Moussaïaki et Akumiaine. Ainsi. Ivibas. Conclusion. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, son nom est Jésus-Christ. Savile tukuna mukwani muku ula itambuka mambingu na jina lake ni Yesu Kristo. Vile tukuna muntu mwa kumbingu jina yake Yesu. Nous avons un homme au ciel, son nom c'est le Seigneur Jésus Christ. Kumbingu kuku muntu mzima. Au ciel il y a un homme vivant. Na bilonda avec de plaies et le sang. Tukuna vuya et le sang parce que kumbingu parce que au ciel abikaukai. Les choses ne sèchent jamais. Amen. Amen. Damu ingari na vuya. Le sang coule encore. Puisque nous avons comme ça. Ça veut tourner au ville. Ça c'est donné aux croyants. Il n'y a pas Christ, il n'y a pas la partie au Christ. Le Fils de Dieu. Mon amour. Que devons-nous faire, nous qui avons un homme au ciel? Si balé tourner mutu kumbingu. Demeurons fermes dans la foi que nous déclarons. Si tu endele kubaki a imara, mule imani tuna tangaza wala tuna kiri. Mubile tuku nasema bya kutoka kumianjiko. Qui venons des Écritures. Nous devons demeurer fermes dans la situation inébranlable, même si la situation est très critique. Ne bouge pas. Dieu qui a donné cette loi, il sait pourquoi. C'est un de nos droits. Confession. Tukiri. ferme. Vous proclamez ça. Tangaza. Tout ce qui existe, physique ou non, immatériel, c'est l'œuvre de la parole. Ni kazi ya neno. Amen. Amen. Et la parole de Dieu na, dans la bouche d'un vrai croyant, mukinyo, mwamini fwa kwenu, d'une vraie croyante, mwamini fwa kwenu, la parole neno a des effets comme iko, étant Dieu prononçant sa parole. Mpaka sa mungo nasema. Est-ce que croyez-vous cela? C'est comme ça que nous devons nous croire d'abord. Frère, c'est le Saint-Esprit qui me demande de parler comme ça. Il y a eu une femme dans la Bible, la veuve de Sarepta. Où les mouillants de Sarepta? Quand elle a regardé Élie, Élie qui ordonne qu'elle prépare d'abord le gâteau, qu'elle lui donne de l'eau, et qu'elle prépare le gâteau, na elle dit, cet homme n'a pas l'air de tout le monde. Je lui dis qu'il me reste une poignée de farine et un peu d'huile pour mon fils et moi, mais lui m'en donne à préparer d'abord le gâteau pour lui. Elle dit, la parole de Dieu dans ta bouche, c'est la vérité. C'est-à-dire, je ne manquerai pas d'huile, je ne manquerai pas de farine. Ce que tu as dit là, c'est Dieu qui a parlé par toi. Et quand Dieu parle par un homme, les choses deviennent réelles. Nous voyons des fois, nous avons peur de croire en nous-mêmes. Psaume 82, Zaburi, verset je crois 6. Dieu dit, j'avais juré que vous êtes des dieux. Et comment Dieu agit? Tout ce que Dieu veut faire, parole, c'est comme ça que Dieu agit. Hébreux chapitre 2. Wa Ibrania chapitre 2. Soit capié. Chapitre 1 plutôt, pas 2. Chapitre soit 1. Soit quoi ça? Hébreux chapitre 1. Wa Ibrania soit qui a quoi ça? Verset 3. On sait qu'il y a tout. Le Fils, Mwana, est le reflet de sa gloire. Ni onekanisha utukufu yake. L'empreinte de sa, de sa personne. Nyao ya bumutu wake. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Na eko na shikamanisha vitu vyote kupitia neno lake au wezo. Vitu vyote Yesu aranzu kubifa mpaka na neno. Jésus le faisait seulement avec sa parole. Oh nona, Lazare anakufa. Lazare est décédé. Ça fait 4 jours et qu'on annonce. Il est en train de où l'avez-vous enterré? Murumujika wapi ulizoa Yesu. Amen. Amen. Où l'avez-vous enterré? Murumujika wapi? Anafika pa kaburi. Arrivé devant la tombe. Ôtez la pierre. Uto sheribwe. Non, il sent déjà. Selon la médecine. C'est ceci. Anasema ôtez la pierre. Mutoshe. Banatosha. Et ils ont ôté. Marie. Et Marie. N'étais-je pas dit? Et tu es Michou Kwambi. Il faut croire. Lazare. Lazare. Sort. Toka. Frère. Quand la parole est sortie. Wakatine le toka. Même Satan. Ata Shetani mnye. A reconnu que ça c'est le Créateur qui a parlé. Apa ni mumbaji wanasema. J'ai la responsabilité. Ma kazi yangu ni kufanya hapa. Lazare du séjour de mort. Lazare atoke pale abafu. Lazare. Lazare, Wendy. Vas-y. Wana mbariki. Que Seigneur bénisse. Lazare est sorti. Et na Lazare a tout. Tout ce que Jésus faisait. Parole. Il quoi ni neno. Et qu'est-ce que nous devons na, faire? Si tu n'as pas fait parole. Neno, sema. Tu prononces la parole. Sema. Les choses bitu, qui n'existaient pas. Bila bikueko. Sont appelés à l'existence. C'est comme ça qu'Abraham se croyait. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons nous croire. Que je suis Dieu là où je me tiens. Et si quelqu'un venait chez moi, il vient à Jésus. Il explique la situation. Pour résoudre ce qu'il a comme difficulté, je prononce la parole. C'est pourquoi Pierre dit ceci. 1 Pierre. 1 Pierre 3, 15. Chapitre 4. Petro Kwanza sura kiaine. 1 Pierre chapitre 4. Petro Kwanza sura kiaine. Verset 10. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Sawa wagawanya mzuri manema ya Mungu. Sa bantu. Comme des gens, lorsque vous allez auprès d'eux, ils sentent que c'est qui fait marcher la grâce de Dieu, partager la grâce de Dieu. Mgonjwa, tu es malade, unenda kwa frère, vous allez auprès d'un frère, vous sentez vous-même que ça, c'est la grâce de Dieu. Mgonjwa, j'étais malade, na frère, na lorsque soeur, j'ai croisé mon frère, ma soeur, je me sens guéri. Mwonesha kusema, na, on, voyez que, montrez que vous avez reçu la grâce et la grâce de Dieu dans toute votre vie. C'est lui qui s'approche de vous. Il dira que Akika, j'ai expérimenté quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Lorsque je me suis rencontré avec le frère ou la sœur, je sens que mon cœur tellement apaisé. C'est quoi? Ni. Il dispense. Nienjo, et on a kabula, et on a gawanya. Neema ya kwa chana chana ya Mungu. Depuis mirmo oyu jeune sœur. J'ai épousé ma femme. Vous sentez que dans ma maison, dans ma vie, maisha yangu, je sens minashikia que vraiment je bénéficie de la grâce de faidia na neema ya Mungu. Depuis que frère a été fiancé par ses frères, je suis sentir que son mari, je sens je bénéficie de la grâce nous de Dieu. Na neema ya Mungu. Que le Seigneur bénisse. Comme de bons dispensateurs. Watu, de diverses grâces de Dieu. Manema kwa chana chana ya Mungu. Munukanisha kusema. Manifeste kama mtu anakubumba wewe. Un homme vous croise. Anabumba Yesu. Et c'est Dieu qui l'a croisé. Kama mtu anakuya kuishi kwako. Quelqu'un vient vivre chez vous. Anakuwa kuishi kwa Yesu. Il doit sentir qu'il est en train de vivre chez Jésus. Na yeye mwenyewe anasema. Et lui-même il dira. Ah, mimi napata bahati. J'ai trouvé vraiment la chance. Uyu frère. Le frère ou la sœur ici, ni ya Mungu. Réellement, ce sont des enfants de Dieu. Vraiment, depuis, Akika, depuis que je suis dans leur maison, je sens réellement que je suis entre les mains des enfants de Dieu. Justement, je suis entre les mains de na Dieu. Vile. Et vous aussi, également, lorsque vous allez vivre les gens diront, depuis que cet enfant est arrivé dans notre maison, nous sentons que les choses ont changé. La situation était compliquée. Mais cette fille, mais, ce garçon, depuis qu'il vit, il est chez moi. Je sens qu'elle a la grâce de Dieu. Et on a néma à Mungu. Que le Seigneur bénisse. On a quoi ça, Joseph chez Potiphar? Tu seras comme Joseph dans la maison de Potiphar. On continue. Tendere. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Kila mmoja wetu anze kutumikisha ile zawadi alipokea kwa bantu. Si quelqu'un parle. Kama mtu anasema. Que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Anze kusema sawa na tangaza maishara ya Mungu. C'est-à-dire kama kusema, frère ako nasema. Lorsque un frère parle. Kama nduku ako na dada ako nasema. En train de parler. C'est comme ainsi dit le Seigneur. Unabishikia sana ni Mungu yeye mwenyewe anasema. Quand tu es avec lui. Wakati kunaye. Unasikia kusema. Mkila wakati. Udada ako chini ya vuto wala ya Mungu. Unaona niveau kanisa lipa shukuyo. Voyez un niveau là le niveau dans lequel l'église devait être. Mais tu ne le sais pas. Mais au kujui. Tu ne le sais pas. Au kujui. C'est pourquoi frère Branham dit, anasema, l'église est malade. Kanisa iko magonjwa. L'église vit en dessous kanisa de ses privilèges. Kanisa iko naishi chini kabisa ma privilège yake. Si tous ici, kama shibota, on vit sous l'inspiration. Kama tunaishi chini ya upako. Quand tu parles, wakati unasema, c'est comme Dieu qui parle. Kya, ni Mungu ndiye anasema. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema. Quand la sœur parle, wakati dada anasema wala ndugu anasema. Dieu qui a parlé. Hakika ni Mungu ndiye anasema. C'est quel type d'église selon nous? Que le Seigneur bénisse. Maintenant, regardez dans l'état où nous nous trouvons. C'est grave. Si quelqu'un parle, comme annonçant les oracles. Ça, on attend ça, ma chère amour. Amen. Amen. Je termine par mon sujet. Naishi na shina yangu. Les droits des enfants de Dieu. Malali wala rusa ya watoto wa Mungu. Vous savez. Najua. Quand j'ai dit par exemple. Kwa mfano kama nasema. Que ce sont mes droits. Yasema hii ni malali yangu. Mes privilèges. Hii ni rusa yangu. À cause de la foi. Kwa ajili ya imani. C'est-à-dire, Usema, je bénéficie des grandes faveurs que Dieu donne à ses enfants. Nous nafaidia na mafaida mkubwa ile Mungu apatia watoto yake. Amen. Amen. Des grands privilèges mawepu que Dieu donne à ses enfants. Malali ile Mungu apatia watoto yake. Autrefois, zamani, je n'avais pas ça. Nishukua yake nayo. Mais maintenant, sasa je n'avais pas ça pourquoi? Parce que j'étais ennemi de Dieu. Frère, quand on est réconcilié avec Dieu, quand on est converti correctement, l'homme là ou la sœur là bénéficie des droits que même le monde ata ulimwengu mzima wa dunia ne peut pas le comprendre. Haiwezi kufika kumuelewa. Amen. Amen. Le monde ne peut pas nous comprendre. Dunia haiwezi kutuelewa. Parce que nous tenons sababu la place de Dieu sur la terre. Tunajoshinjo tunabeba fazi ya Mungu pa dunia. Je ne sais pas si les gens comprennent. Monsieur Kabantu tuvena elewa ile mabadaraka tunayo. Nous tenons la place de Dieu sur la terre. Nikusema sinjo baliwali bali bakumonekanisha Mungu pa dunia hapa. Dieu pour faire quoi que ce soit. Ju Mungu afanye kitu kyokyote pa dunia hapa. Anapasha na lazimisha à toi. Akutumikishe weye. Est obligé. Analazimisha. De te chercher là où tu es. Akutafute fasi yote pale unapatikana. Même si tu es dans le lit d'hôpital. Ataka kama kumgonjwa. Dieu est obligé de te réveiller, de te guérir. Anapasha akuponye, akulamushe mule. Sababu ni wewe njo kiombo kila anapasha kutumikisha. De son programme. Juu mapu yake pale kutimilika. Bila nafia kufanya. Bwana mbariki. Que Seigneur bénisse. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde. Mui dunia muku bana ome na bana muki. Frère. Nduku. Quand ils ont compris ça. Wakati bali lewa ili. Ils ont réalisé. Bali sema. Que devant Dieu. Bele ya Mungu. Nous sommes des instruments. Che tuko vyombo. Et nous ne pouvons pas le décevoir. Na atuwezi kumpatia haya. Parce que Dieu compte sababu beaucoup Mungu sur nous. Anetutumainia sana. Amen. Amen. Regardez, je vous donne un petit exemple. Hier, j'ai parlé de Mardoché. Je prends un petit exemple. De Daniel ou de Meshach et Abednego. Meshach, Abednego, Daniel. Ces gens-là, ils vivaient à Babylone. Comme tous les juifs déportés. Mais quand le temps de l'épreuve est arrivé, eux ont compris que non, nous avons des droits en tant que juifs. C'est-à-dire, Kusema, adorer une idole, hein, kwa budu sanamu, c'est chose impossible pour nous. Nikitu kila kiwezekani kwetu. S'il faut mourir, kama initomba tukufwe, nous acceptons de tunaichiga kufwa. S'il faut sacrifier notre kama jeunesse, kama inafadhali buyana bwetu bukachiki hapo. D'accord. Tunaichika. Mais tout ce que nous savons, ile tunajua, nous les Juifs, ya kusema shie bayuda, Dieu, Mungu, est engagé avec nous. Eko na shie. Dieu, Mungu, est lié à nous. Anaisha kufungwa kwetu. Si nous parlons des Juifs, sema kato wasema yuda, nous parlons de toi, sema mon frère, de toi, ma soeur. Toi, réellement, qui es réconcilié avec Weye, Dieu. Weye, usha kurucha mapatano vya kwe na Mungu. Parce que la Bible dit, bien, sema, on peut lire ça, sema, Romains chapitre 10, wa Roma, chapitre 5, sura ki ya tano. Romains chapitre 5. Waroma tano. Romains chapitre 5. Waroma sura ya tano. Verset 10. Sakyakumi. Car kwani, si lorsque nous étions ennemis, kama mwakati tukwaka waadui, nous avons été réconciliés avec Dieu, na tunapatanishwa sasa na Mungu, par la mort de son fils, kupitia lufu lwa mwana wake. A plus forte raison, sasa marangapi, étant réconciliés, shie benye kurudisha mapatano, serons-nous sauvés, tunapashwa benye kokolewa, par sa vie, kupitia bujima bwake. A plus forte raison, marangati, comme nous sommes réconciliés, zaidi, saivi tusha kurudishwa sasa, nous étions d'abord ennemis, pale tulikuwa baadui, étant ennemis, mubu adui mule tulikuwa na Mungu, Mungu yeye s'est arrangé, alitengeneza yote pour nous tendre ju akwa tunyoloshe mukono mubu adui mule tulikuwa naye, mubu adui mule tulikuwa naye, dans l'inimitié où nous étions avec lui, Dieu n'a pas regardé Mungu notre inimitié, ashikuangalie bu adui mule tulikuwa naye, anasema mzuri, je leur tends quand même mine banyoloshia mukono, et nous na shie, on a répondu tunajibu mzuri mzuri. Mais maintenant, sasa, il nous a tendu la main. Anaisha kutunyoloshia mukono. Anetupandisha sasa mkuu. Il nous a fait sortir dans l'inimitié où nous étions. Mais maintenant, étant du côté de sasa, Dieu, mule wakati kwa ngambo yake. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ni nini ile Mungu hawezi tena kutufanyia? Pour toi ma sœur, pour toi mon frère. Juu yako wewe, yangu na wewe dada yangu. Quel que soit le problème. Aizuru mambo ile uko nayo. Quel que soit le problème. Aizuru magumu ile unapitia. Aizuru magonjwa. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ni nini ile Mungu atashinda kufanya? Pale ulikuwa kule ngambo. Dieu s'est arrangé. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa mipango. Dieu akua kutafuta kule ngambo. Tu es déjà sasa wewe ushakutambua huku naye. Mungu anaweza kusaba kusema huku pembeni yake. Jean de peu de foi. Batu wa imani kidoko tu. Amen. Amen. A plus forte raison. Marangapi sasa zaidi. Serons-nous sauvés? Tutaokolewa. C'est-à-dire mambo tena kwa yaje. Même peu importe les difficultés. Le salut. Okovu. Et notre garantie. Jo akikisho yetu. Et notre garantie. Jo akikisho tukunayo. Je On prend une petite écriture. Tu vas dire au Kidoko. De Samuel. Samuel à pied. De Samuel. Samuel à pied. Chapitre 23. Makumbi na tatu. De Samuel chapitre 23. Samuel à pied. Makumbi na tatu. Sont des petites écritures. Nimandio kidoko. Mais comment on échiquait ça, c'est Léo Mouillé. Lorsque contexte tout la semaine. Dans le contexte dans lequel nous parlons. Ou t'asema, vous allez dire. Je ne comprenais pas. Nishkwanze kuelewa. 2 Samuel chapitre 23. Samuel a pire, makumbi na tatu. C'est David qui chantait. Nida audio anza kuimba. Verset 5. Musariyake. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Et aina njo hivi nyumba yangu iko mbele ya Mungu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Savile alifanya na mimi agano ya milele. Dans cette alliance là. Mui agano. David dit. Daudi anasema. Comme l'alliance est éternelle. Savile agano yoni ya milele. Dans cette alliance. Mui agano. Il en tout point, il est bien réglé. Nikusema mumanukta yote wala mangambo yote basha ipima mzuri. Kama mina gonjwa. Et si je tombe malade? La guérison garantie. Matunzo iko ekpali nye kwa kikio. Nikikuwa na njala. Lorsque je serai affamé, on doit me secourir avec à manger. Nikipate magumu fulani. J'ai de telles difficultés. Il doit venir me secourir. Nikikose salama. Lorsque je manque la paix, lui doit venir me donner la paix. Nikikose kazi. Si je manque l'emploi, c'est lui qui doit m'ouvrir le chemin. Frère, lorsque je fais tout nikusema réglé. Mukila kintu banesha kupima jibu yayo. Nikusema bitu byote biko tayari bya tayari. Wakati tuko L'alliance là, il est à Gano, me rassure que maintenant comme je suis saivi, dans l'alliance, niko mule à Gano. Dieu, Mungu yeye, ni wangu sasa, na mimi nakuwa wake. Tu me touches, tu me provoques. C'est Dieu que tu provoques. Tu m'insultes, c'est Dieu que tu attaques. Si tu me critiques, c'est Dieu que tu as critiqué. Lorsque tu me fais du bien, Dieu aussi te fera du bien. Frère, lorsque tu as une femme chrétienne dans la maison, tu dois la respecter. Si tu as un mari chrétien, tu as le droit de respecter ce mari. Parce que cet homme-là ou la femme que tu as dans la maison, si elle est croyante véritablement, elle est croyante véritablement. Lorsque tu as triste ton mari ou ta femme, même au ciel, Dieu sera attristé de toi. Et nous allons nous respecter dans la maison. Si je sais que ma femme elle est chrétienne, je vais la respecter. Pourquoi? Juanine, Dieu agira à ma faveur. Atatenda juu yangu. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Nikusema mania yangu yote na okovu yangu asite ichipusha. Non. Ne fera-t-il pas germer? Awezi kuchipusha tout mon salut. Okovu yangu. Angari. Regardez. Est-ce que hasta onesha wazi ya kusema? Il ne peut pas manifester. Niku mwene kokolewa. Vraiment que je suis sauvé. Il m'a déjà sauvé. Wake. Et je lui appartiens. Mutona kusema. Vous verrez kama que mambo inafika, lorsque le problème arrive, le salut va germer pour montrer que celui-ci appartient à Jésus. Celui-ci, c'est un bien privé de Jésus. C'est là que vous voyez que le problème, l'esprit sera frayé. Dieu manifestera qu'il est avec moi. Yakusema yako na mie. Démontrera qu'il est de mon côté. Yako kungambo yangu. C'est pourquoi Caleb et Josué. Je commande à Caleb et Josué. Disait à tous les peuples. Ne craignez rien. Ne craignez pas ces gens-là. Mushongo pe abatu. Ils n'ont aucun ombrage. Abana na kimvura na kimoya. Nous on a Dieu. Chez tout le monde. Ne regardez pas aux apparences. Mushangaria ta konekana kwabu. Dieu, Mungu, le plus fort. Ye wa nguvu zaidi ona shi. C'est pourquoi. Même David dans son Ata temps. Quand wakati il a regardé Goliath. Wakati rangaria Goliath. Anasema il est maudit. Huyu ni mwenye kulaaniwa. C'est-à-dire huyo ni kibeba cette fakio mimi namtupia. Même si j'ai prené le balai, j'ai jeté lui. Mungu anapaswa kufanya kitu kwa Mungu. Dieu doit prendre le balai, aller tuer David Goliath. Pour montrer que nous, nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Mwagano na Mungu. Comme il a insulté le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu, c'est Dieu qui l'a insulté. Maintenant, en insultant Dieu, il s'est placé sous la malédiction. Anejueka chini ya laana. Maintenant, dans ce cas présent, mambo kwa pa, tout ce que je peux utiliser, kile kiyote mnaweza kutumikisha, il va mourir. Kitamua. Samson avait compris ça. Alléluia, Kaïn. Que comme j'appartiens à Dieu, ça est venu quoi, mon. Mimi ne s'occupe pas tant de fumbo. Moi, je peux prendre même la clé. Quand tu as payé 500 000 à tout Paris, même si les gens sont 500, je vais jeter. Dieu va prendre ses trousseaux de clés. Quand est-ce que ça m'a marqué, quand on a dit comme qui tu es, des marteaux ont tapé à la tête. C'est ça faire germer le salut. Tu pousses à au corps. Connais chaque semaine. Manifester, montrer que je suis un avec cet homme. Est-ce que nous, les chrétiens, et Dieu, Christ, on comprend ça? Tout si on comprenait quand ça, notre conduite, notre langage, nos pensées changeront. Ton comportement vis-à-vis du frère, de la sœur, ton langage vis-à-vis du frère, de la sœur, ton comportement vis-à-vis de l'âme changera. Tu comprendras que la parole de Dieu dans la bouche de Pita, c'est ça la vérité. Tu ne verras pas Pita homme, tu verras Dieu te parler par Blaise. Bonne embarique. Et quand tu viens ici, tu ne verras pas l'homme José, ni Ndaï, ni Mundu. Tu verras Dieu te parler. Amen. Notre façon de voir les choses, il t'a changé. Sera différent. Dieu fait germer les saluts. Et c'est dans ce salut-là, nous sommes dans une alliance. Tout est bien préparé. Voilà pourquoi il est l'éternel. Il savait parcourir le temps, tout ce qui arrivera, les événements malheureux de ta vie. Il a dit, je le secourirai là-bas, je ferai ça, Ok, tout na est yote, bien fait. Muzuri, basa, il nous a pris maintenant comme des semences. Il nous a jetés dans le monde. On a toqué là Kubakasai. Et tu deviens, tu on a toqué là Kubakatangé. Lubakati, on a toqué là Kubakongo. Chez le Congo. Mais nous venons tous. Kibote, tu as toqué à Mumikono Yamung. Comme des semences. Sambeku. Frère, si on prend que des Kasai, moi j'aime pas ce type parce qu'il est Kasaien. Ah oui, le Kin. Et lui et na toi, way, nami, vous venez tous de semences d'une seule personne. Ce qu'il a connu d'avance, il les a préparés. Wa taarisha, il les a appelés. Wa ita, bon embarik, que le Seigneur vous bénisse. Tuna shimami, nous nous arrêtons par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Si, nous devons savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Ville tour fungure Yesu mulango. Comme tu as fait la voie, la porte à Jésus. Fashiye afanye kila anataka mungu. Mena na place à Jésus qui vous fait ce que tu veux dans ta vie. Na utaona kusema. Et tu verras que Ibi ba David bo baraza kusema. C'est que les David ça il disait ça sera peu. Avec Dieu. Na Mungu. Nous ferons des choses. Tutafanya bitu ashangaisha. Amen. Amen. Tutashimama. Nous nous levons. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau dans des mille pour mon âme. Il est lisse, l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification, ma guérison. Alléluia. Réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia. Brillante étoile du matin, délice de la vallée. C'est le plus beau d'entre Il a prié pour te servir tous mes soucis et peines. Ma tour forte et puissante, les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur. par sa puissance méga. Alléluia. Même si le monde m'abandonne, ou que Satan m'étend, par Jésus je t'aimerai, serai ma début. La brillante étoile du matin, prions tous ensemble.